Ils vous font croire qu'on est tous crazy horse. De contrôle trop chaud pour crazy horse. Ce que la vie offre, on le prend sans oublier. Les coups durs, on est sortis des terres et outillés. Sache que la rue n'est pas un terrain de jeu. Tu t'es cru plus malin, on t'enterre à jeune. C'est j'aime à dire depuis le temps que cela dure. Il serait temps plus taire et être le seul à le dire. Sur la touche étant ambitieux et sûrement trop plus judicieux de garder des réserves sous le manteau. C'est juste un simple constat alarmant. Plus le temps pour les siens vu le temps qu'on consacre à l'argent. Ma voie n'est pas tracée sans escale. J'ai dû taffer, rester fort face aux marchands d'esclaves. Je t'y sors des cases qu'ils m'attribuent, bouillant en tribune en attendant qu'on marque le but. On tue le temps comme on veut, comme on peut. Et quand les temps s'obscurcissent, on sort le feu. Les faits, les shoots, c'est comme ça qu'on fait les choses. Car on peut forger que quand le fer est chaud. On tue le temps comme on veut, comme on peut. Et quand les temps s'obscurcissent, on sort le feu. Les faits, les shoots, c'est comme ça qu'on fait les choses. Car on peut forger que quand le fer est chaud. On a tué le temps sans savoir qu'on ferait du rap. Que la rue séduira certains et que l'équipe se réduira. Sur des rails, on cherche une voie à se faire un nom. Mes couleurs et mots suffisent pas à refaire un monde. Donc on enfreint les lois et ce tout petit rentre dans des guerres fratricides comme Hutu et Tutsi. Tout ce qui compte, c'est de briller dans les yeux de mon fils. Tout ce qu'ils font, c'est nous mettre hors jeu d'office. Bref, rien à foutre, je fonce, je fais mon trou. Fond de mon crew monte, même si j'ai les flics aux trousses. Pousse, enfonce les portes une à une et espère que mon ambition me porte sur la lune. Malgré les vents contraires et le temps qu'on perd, autant qu'on presse le faire qu'attendre que les gens comprennent. Je préfère qu'on me craigne plutôt qu'on marche dessus. Depuis le temps qu'on freine, il est temps que je les fume. On tue le temps comme on veut, comme on peut. Et quand les temps s'obscurcissent, on sort le feu. Les faits, les shoots, c'est comme ça qu'on fait les choses. Car on peut forger que quand le fer est chaud. On tue le temps comme on veut, comme on peut. Et quand les temps s'obscurcissent, on sort le feu. Les faits, les shoots, c'est comme ça qu'on fait les choses. Car on peut forger que quand le fer est chaud. J'prends le microphone, entame mon génocide. Ouais, j'ai le style, j'aime le rap presque autant que j'aime mon fils. J'te fuck, n'attends pas que j'te soque pour que j'ai mon fric. Y'a qu'aux chiottes que j'baisse mon fuck, mais j'garde mon slip. Te frotte pas au king, si t'as pas les couilles, t'en as 11 kills dans la même galère. On est ensemble, c'est cool. Tu balances déjà ta tête sur ton cou de girafe. Toutes les coupes, j'rafe quand j'tue le temps comme cool girafe. Écoute ce rap, dis-moi qui lui arrive à la cheville. J'enrichis les archives, fais du bruit jusqu'en Chine. J'suis démoniaque quand j'freestyle les démoniaques. L'ambiance vient irrespirable et ma démo te marque. Tu me respecteras, amer comme le sectorat. J'te perce au pectoral, maintenant tu sais ce que c'est que le rap. Effectivement, les OGs crèvent dans mon ghetto. Pendant que j'tue le temps comme DJ Stretch et Bobito.